Je connais par cœur sa libido. Je compte plus les heures. Je deviens dingo. J'aime son odeur. Toucher sa peau. Quand elle m'effleure, j'ai le sang chaud. Arrêtez de me faire la morale. Finalement, je ne vais pas si mal. Soyez un peu plus libéral. Globalement, je suis tout à fait normal. Je veux sa peau, coûte que coûte, et tout de go. Tailler sa route avant même de casser la croûte. Lui faire l'amour dans un reste route. Arrêtez de faire la morale. Finalement, je ne vais pas si mal. Sortez de votre confessionnal. Normalement, je suis tout à fait banal. Je connais par cœur sous son capot. À 100 à l'heure, je travaille du chapeau. Son carburateur réchauffe mon turbo. Nos injecteurs propulsent à gogo. Arrêtez de faire la morale. Finalement, je ne vais pas si mal. Sortez de votre confessionnal. Banalement, je suis tout à fait normal. Plus de régulateur, je monte dans les tours. Lâche l'accélérateur au prochain carrefour. Faire chemin du bonheur, nous ferons demi-tour. Atteindrons sans pudeur le point de non-retour. Arrêtez de faire la morale. Finalement, je ne vais pas si mal. Sortez des routes nationales. Vous verrez, ça ne fait vraiment pas de mal.